comment allez-vous? C'est Thierry Gallet et j'enregistre cette émission depuis chez moi, à un moment de l'année 2015. Vous le saurez peut-être si cette émission vient à être diffusée sur l'antenne de RIG. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, oui, même quand je fais de la radio depuis chez moi, nous sommes ensemble pendant 2 heures. L'album de la semaine, c'est l'album 33 and One Third de George Harrison en 1976. On écoutera This Song, See Yourself, True Love, Crackerbox Palace, Learning How to Love You, superbe chanson, Eddie Horn pour finir. Il y aura également du Lennon, du McCartney, du Starr et des Beatles. Pour John Lennon, par exemple, ce sera Angel Baby, que l'on trouve maintenant sur l'album Rock'n'Roll en tant que chanson ajoutée. Mais à l'époque, il fallait aller chercher l'album Man Love Avenue pour pouvoir trouver cette outtake de l'album Rock'n'Roll. Il y aura également Letting Go, dans la version du 45 tours de Paul McCartney en 1975. Pure Gold, ce sera sur Rotogravure qu'on le trouvera pour Ringo Starr en 1976. Et les Beatles, par exemple, nous chanterons Nowhere Man, mais la version de Yellow Submarine Soundtrack, sortie en 1999. Voilà. Pour le reste, eh bien, vous verrez. Je peux vous dire que la cover sera de Barrett Strong et ce sera une reprise des Beatles que j'ai trouvée sur l'album George Harrison's Jukebox, sorti en 2013. C'est intéressant, c'est un album qui vous donne ce que George Harrison aimait, la musique qui a influencé George Harrison. Et ce sera Money, That's What I Want. Et évidemment, on écoutera la reprise faite par les Beatles. Voilà, si on y allait, hein, vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. George Harrison qui réagissait avec humour au procès qu'il avait concernant la fameuse chanson My Sweet Lord et He's So Fine. Il était accusé de plagiat. Et dans cette chanson, This Song, il dit tout simplement, cette chanson, eh bien, elle est pas extraordinaire. Elle est en I, donc en E. Est-ce que ça correspond à Do ou La, Ré et tout ça? Je n'en sais rien parce que je ne suis pas musicien. Mais les musicos doivent le savoir. Vous le mettrez peut-être sur Facebook si vous commentez cette émission. Eh bien, donc cette chanson est en Do. Cette chanson a reçu l'aval de mon avocat. Et puis, à la fin, il conclut en disant, cette chanson n'aurait pas d'intérêt s'il n'y avait pas vous, si vous n'étiez pas là. Et c'est vrai que c'est vrai que je peux même reprendre ça aussi à mon compte. Faire cette saga, s'il n'y avait pas vous, eh ben, ça n'aurait pas d'intérêt de faire cette saga. Hein, gentil quand même. Non, les chevilles ne enflent pas. Non, mais c'est vrai. Merci d'être là, les amis. Donc, c'est sympa et je vous convie à aller voir le clip de This Song qui se passe dans un tribunal avec George Harrison et une guitare enchaînée à un policier qui l'entraîne parce qu'il joue de la guitare, et le président de la cour, j'ai pas trop l'habitude de ces endroits-là, qui tape avec son marteau en rythme, et puis etc, etc. C'est plutôt très très sympa. On va pas perdre de temps dès la première chanson. Voici maintenant Angel Baby de John Lennon et Letting Go à la suite sur RG dans la saga des Fab Four, enregistrée. heureusement qu'on enregistre parce que j'ai failli me faire avoir sur la durée de ce titre. En principe, dans le 33 tours, enfin le CD si vous préférez maintenant, c'est un petit peu plus long. Et là, c'est la version du 45 tours. Donc quand j'ai entendu la musique baisser, je me suis vite, courons vers le micro qui est à 15 cm de moi. Allez, on a fait George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, il nous manque Ringo Starr. Le voici en 1976, une chanson écrite par Paul McCartney, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, pas une des meilleures. D'ailleurs, cet album n'est pas extraordinaire, l'album Rotogravure, même si dans les albums faibles de Ringo, on trouve toujours ici et là de certaines belles chansons. Voici Pure Gold sur RG dans la saga des Fab Four. Confirme l'info, tiens, j'ai sous les yeux l'affiche de Ringo's Rotogravure. C'est un album studio du musicien Ringo Starr, ex-batteur des Beatles, évidemment. Ringo, comme à son habitude, y retrouve une brochette d'amis de renom qui viennent collaborer, John Lennon, Paul McCartney, sa femme Linda, George Harrison, qui ne participera pas à la chanson qu'il avait écrite pour cet album. La chanson, c'est « I Still Love You ». Qui est une très belle chanson d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter ? Il y a également Eric Clapton, il y a Peter Frampton, Dr. John, dans le but d'imiter la formule magique du casting de stars de l'album Ringo. Bien que soutenu par les singles A Dose of Rock and Roll, qui n'est pas terrible, et Hey Baby, qui est plutôt mieux, je trouve, l'album peine dans les charts américains et ne se classera pas du tout au Royaume-Uni. C'est le début pour Ringo d'une période difficile. Cet échec commercial est suivi de nombreux autres dans les années qui suivent. C'est vrai, c'est malheureux, mais c'est vrai, c'est comme ça. Voilà ce que je je voulais vous dire au sujet de cette chanson-là, et je vous confirme, Pure Gold a bien été écrit par Monsieur Paul McCartney. Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all. L'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est 33 and One Third de George Harrison, sorti en 1976. À cette époque-là, George Harrison avait 33 ans et des poussières. Le disque qui passait, c'était pas encore un CD, c'était le vinyle, qui tournait à 33 tours et un tiers, plus ou moins. Du coup, le nom de l'album, 33 et un tiers. Bonne idée de George Harrison, qui avait du mal à trouver et les titres des chansons et les titres des albums. Et bien là, c'est plutôt bien choisi. Voici See Yourself dans la saga des Fab Four. It's easier to tell a lie than it is to tell the truth. It's easier to kill a fly than it is to turn it loose. It's easier to criticize somebody else. Vous ai-je parlé de Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Ben oui, à Londres, qui promotionne la saga des Fab Four et tant d'autres qui ont également accès à la radio, qui vous font des émissions pour vous sur les Beatles. Eh bien, je pense par exemple à Michael Honorato pour The Beatles Magazine du New Jersey le lundi soir à 22h aux États-Unis, à 4h du matin en France. Je pense à Kyle à Toronto le mercredi après-midi à 17h en France, si vous voulez l'écouter en France, sur Ignite Radio. Eh bien, tout ça, c'est centralisé par Lovely Rita et son Beatles Magazine, qui vous parle également de toute l'actualité des Beatles, de toute l'actualité de John Paul Ringo, George. Ringo qui a une belle actualité en ce moment, parce qu'il est en pleine tournée, et surtout avec un superbe nouvel album. Enfin, au moment où j'enregistre la saga, évidemment. Et donc, si vous voulez tout savoir, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois dans l'année, et même peut-être avec le 13e mois, allez savoir, rejoignez le Beatles Magazine sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur plein d'autres formats. Vous voulez tout savoir, vous allez sur le Beatles Magazine. Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, with every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. Perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging. While my guitar gently weeps, as I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey,

niveau de la rythmique, ça passe. Ça aurait pu être une nouvelle version de Love, l'album Love sorti en 2006. Vous avez écouté d'ailleurs, avant cette chanson-là, la chanson While My Guitar Gently Weeps, revue et corrigée par l'album Love. Une excellente version également. Et puis cette chanson-là, Hey Jude, mixée avec Carry That Weight, eh bien, c'est un inconnu qui a fait ça sur le web. Et je trouve que c'est plutôt pas mal fait et bien trouvé, parce que ça marche rythmiquement. Ils auraient pu. De la saga, c'est John Lennon sur l'album Men Love Avenue. Non, c'est pas Men Love Avenue. C'est l'album qui a suivi l'album Double Fantasy. Oh là là, j'ai un trou, figurez-vous. Je vais vous trouver ça. Le titre du morceau, c'est I Don't Wanna Face It. Ah, de toute façon, c'est la version de Once Upon a Time que je vous propose. C'est maintenant dans la saga des Fab Four. Time et le nom de l'album que je cherchais. Ah oui, vous pouvez vous moquer, hein, j'enregistre dans les conditions du direct, donc je ne coupe pas ça. L'album que j'ai cherché tout à l'heure, c'était Milk and Honey, l'album qui a succédé à Double Fantasy. Et c'est bien cette version-là de Once Upon a Time, elle est même un peu meilleure d'ailleurs que celle de Milk and Honey. La suite de la saga, eh bien, vous retrouvez cet instrumental sur un des CD sortis, un CD single sorti The World Tonight par Paul McCartney. Ça s'appelle Squid dans quelques instants, dans la saga enregistrée. Et puis il y aura l'album de la semaine, George Harrison, avec une reprise de Cole Porter et True Love. Attention, ça démarre. je l'ai dit, il y a quelques chansons. Chansons de Cole Porter à l'origine et reprises par George Harrison sur l'album 33 and One Third, qui est l'album de la semaine de cette saga enregistrée. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous parlez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four ou sur Maca Club, toujours le même groupe, La Saga des Fab Four. Et je vous propose de revenir 2 ans en arrière, entre 1976, on revient en 1974 sur l'album Walls and Bridges de Monsieur John Lennon. C'est le moment du Lost Weekend qui a duré quand même un petit peu plus longtemps que ça. Et John Lennon se sent perdu, évidemment. Yoko Ono le laissera dans les mains de May Pang. Et quand je dis dans les mains, c'est une façon de parler. Et au milieu de tant de messages adressés à Yoko sur l'album Walls and Bridges, il semblait naturel qu'une chanson soit explicitement dédiée à May Pang, celle qui le sauve de cette terrifiante solitude. May se souvient que John composa cet hommage ouvertement sensuel à son oiseau de paradis vers la fin de leur liaison à New York. Elle pleura d'émotion la première fois qu'il la lui chanta. Du jeu de mots facétieux de son titre, Petit oiseau de paradoxe, au tweet tweet tweet tweet de la fin, reflet des bip bip bip bip qui conclut Drive My Car, Surprise Surprise apporte à Walls and Bridges une touche d'optimisme qui est la bienvenue. Pour la composer, John était parti encore une fois d'un vieux classique, le tube des Diamonds de 1957 qui s'appelle Little Darling, même s'il n'en reste plus rien dans la version finale. On l'écoute sur RIG dans la saga des Fab Four enregistrée. We'll be right back. this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Des Beatles extraites de la même année, 1964, quelle très belle année décidément, on a fait de bonnes choses à ce moment-là, mais pas extrait du même album. La première chanson, Rock and Roll Music, c'était extrait de l'album For Sale, et la suivante, c'était extrait de l'album Hard Day's Night. When I get home, I got a whole lot of things to tell her. Voici Ringo Starr sur RIG dans la Saga des Fab, enregistrée, et cette très belle chanson tirée de l'album Liverpool 8, sortie en 2008. C'est pas foulé. Et par contre, le titre est sympa. Enfin, la chanson est sympa. C'est Harry's Song sur RIG. Songs of long ago, never fast and not too slow, a melody telling me some things should last forever. In other days and different times, when June and moon would always rhyme, a boy and a girl romancing, dancing. Thank you. is a yesterday. Cause nothing ever goes away. The love that is living inside you will guide you forever. N'autorise pas à dire que Ringo Starr n'a jamais fait de bonnes chansons. Non, ça c'en est une preuve. Harry's Song, c'est plutôt très très sympa. Et c'était il n'y a pas très très longtemps, en 2008. Hein. Donc je ne vous parle pas des années 60, des années 50, des années 40. Mais il était à peine né hein, en 1940. Alors quand même. Bref, on s'en fout. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album de George Harrison qui s'appelle 33 and One Third. Et le titre que je vous propose d'écouter dans la saga, c'est Crackerbox Palace. And we're much joy. Crack a box, have a George Harrison. Nous arrivons à la 17e chanson, le moment de la cover. La cover, c'est une chanson interprétée peut-être un jour par vous. Pourquoi pas si vous m'envoyez la chanson. Il faut que ce soit une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo ou George, voire les Beatles, que ce soit eux qui en soient les créateurs ou même que ce soit eux qui aient repris cette chanson-là. Si quelqu'un d'autre la reprend ou si quelqu'un d'autre est à l'origine de la reprise des Beatles, prenez des notes hein, pour arriver à comprendre. Eh bien, bon, pour Chuck Berry, par exemple, là, ça fait partie de la cover. Ou alors, là, il y a un effet de reprise. On écoutera dans quelques instants la chanson Money, That's What I Want par les Beatles. Mais auparavant, je vous propose d'écouter le créateur original, enfin plutôt la personne qui l'a chanté en premier. C'est en 1959, il s'appelle Barrett Strong. Personnellement, je ne le connais pas. Mais il vous propose Money, That's What I Want, suivi tout de suite après par le Money des Beatles. La même chanson, mais par les Beatles. Now give me more. Reprise chantée par les Beatles aura été enregistrée la première fois le 1er janvier 1962 lors de leur audition pour la compagnie DECA avec Pete Best à la batterie. Choisie pour être incluse dans leur deuxième disque With the Beatles, 6 prises seront enregistrées le 18 juillet 1963 tandis que la partition de piano jouée par George Martin sera enregistrée le 30. Le mixage de la version mono sera finalisé le 21 août 1963. Le 30 septembre de la même année, Martin réenregistre sa partie de piano qu'il utilisera pour le mixage stéréo du 30 octobre 63. La version finale, sans piano ni overdub, est maintenant disponible sur le Bootlegs Beatles Bootleg Recording 1963, qui est sorti officiellement, et une version enregistrée au spectacle de Carla Plant Studio de Stockholm le 24 octobre 1963 se retrouve sur l'Anthologie 1. Une des 6 versions enregistrées en direct dans les studios de la BBC sera publiée sur le disque On Air Live at the BBC Volume 2. Cette prestation est enregistrée le 18 septembre 63 et sera mise en onde le 26 du même mois dans l'émission From Us to You, c'est The Beatles. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. La suite, c'est maintenant et c'est encore les Beatles. RG 90.7, la radio des Beatles. She's got a ticket to ride. Get to Ride en 1965 sur l'album Help fut composé par John dans l'optique d'un 45 tours et il l'a décrivit ensuite comme étant l'un des premiers morceaux de heavy metal jamais enregistrés. Ce n'était pas le premier parce qu'ils avaient été coiffés au poteau par les Kings qui avaient placé You Really Got Me en tête des charts l'été précédent. Mais c'est effectivement la première chanson des Beatles à être construite sur un riff de guitare insistant soutenu par une batterie omniprésente. Ticket to Ride fut utilisé dans le film lors de la scène tournée dans les neiges autrichiennes. Le 45 tours sorti en avril 65 et la chanson était déjà en tête des charts anglais et américains lorsque le film apparut sur les écrans. Certains fans des Beatles pensaient à l'époque que la chanson parlait d'un ticket de train de la British Rail pour la ville de Ryde, R-Y-D-E, sur l'île de Wight. Mais John parle simplement d'une fille qui l'abandonne, qui prend un billet pour ailleurs. Don Short, un journaliste spécialisé dans le show business qui suivit longtemps les Beatles dans les années 60, raconte que John lui confie un jour que le titre avait un double sens. Les filles qui arpentaient les rues de Hambourg devaient passer une inspection sanitaire régulière et les autorités médicales leur délivraient un certificat indiquant qu'elles n'étaient porteuses d'aucune maladie. J'étais avec les Beatles lorsqu'ils retournèrent à Hambourg en juin 66 et c'est là que John m'a dit qu'il avait inventé l'expression « a ticket to ride », un billet pour ailleurs, mais aussi « bon pour le service » pour décrire ses permis. Il plaisantait peut-être, il fallait toujours se méfier avec lui, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, dit-il. Voici, beaucoup plus tard, en 1989, sur l'album « Flowers in the Dirt »,« We Got Married », Monsieur Paul McCartney sur RG. Coming soon, we made love in the afternoon. Found a flat, after that, we got married. Working hard for the dream, scoring goals for the other team. Times were bad, we were glad, we got married. Open up your hearts to each other. When you find the meeting of the minds, it's just as well. Love was all we ever wanted. It was all we ever had. Further on in the game, waiting up until the children came. Place your bets and no regrets. We got married. We got married. Que cette chanson est sortie il y a 26 ans, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'était pourtant il n'y a pas très très longtemps. Et surtout, je me rends compte que 26 ans plus tard, eh bien, j'aime toujours cette chanson et tant mieux. Voilà. Monsieur Paul McCartney à l'instant sur RIG dans la saga des Fab Four enregistrée. On va essayer d'accélérer parce que je me rends compte par rapport à ce qu'il reste à passer que comme d'habitude, même en enregistrement, bah, j'arrive à être à la bourre. Alors, voici l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine sur l'album 33 and One Third de George Harrison. Voici Learning How to Love You, superbe chanson d'amour. Ce sera suivi par Turned Out sur l'album New de Paul McCartney de 2013. Et cette chanson, elle dit que ça ressemble à du George Harrison. Et c'est vrai. Et puis, il y aura Rory Storm and Hurricane, Monsieur Ringo Starr, sur son nouvel album excellent qui s'appelle Postcards from Paradise. Trois chansons à suivre dans la saga des Fab Four. Learning how to love you. side. Your eyes may never know. No tooth could ever fear me. I'm left alone. It's Que j'adore ce nouvel album de Ringo Starr qui s'appelle Postcards from Paradise. On va accélérer avec un extrait seulement d'une chanson créée en 1968 et dont il reprendra l'air, il changera complètement les paroles et ça deviendra en 1971 Jealous Guy. Voici la chanson de départ que vous découvrez peut-être si vous en avez entendu parler mais vous ne l'avez jamais entendu vraiment. Voici Child of Nature par John Lennon et les Beatles. Et puis ensuite, il y aura la même chanson, mais la version finale, celle sortie sur disque, Jealous Guy. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Ça, c'est la version qui aurait pu exister, qui n'est jamais sortie en réalité. Et voici la version finale en 1971. I began to look at me, I'm just a jealous guy. Étonnant ça, hein, de la part d'un artiste de garder un air en tête mais de changer complètement les paroles. Child of Nature n'était pas sorti parce que peut-être c'était trop proche de Mother Nature's Son, sorti la même année sur l'album blanc. Donc il avait gardé la mélodie en tête et il a mis un nouveau set de paroles qui est sorti en 1971. On se dépêche puisque c'est bientôt la fin. Encore trois chansons si on a le temps. D'abord le dernier extrait de l'album de la semaine, Dear One, puis suivra une démo et une autre démo. Ah oui, je vous gâte quand c'est en émission enregistrée. A tout de suite. Dear One, c'est George Harrison sur le fameux album 33 and One Third, surérigé et dans la saga des Fab Four enregistré. Feelings call to you now. Do you want I love you? Non, décidément, je vous gâte. La chanson suivante, c'est une démo par Paul McCartney en 1987. Alors, lorsque Paul McCartney crée des airs, la plupart du temps, il met les premières paroles qui lui viennent à l'esprit. Quelquefois, c'est juste deux, trois paroles répétitives en se disant bah, « plus tard, je vais changer ça ». Et quelquefois, la chanson reste là, puisque lui, il crée quelque chose, et puis il passe à autre chose, et puis il passe à autre chose. Ça sort ou ça sort pas. Et la suivante, la dernière chanson de la saga, ce sera celle qui aurait dû figurer sur l'Anthologie 3. L'Anthologie 3, et c'est Now and Then. Vous allez voir, la version finalement sortie est plutôt sympa. Voici d'abord Big Day par Paul McCartney, un amusement, on va considérer ça comme ça, et Now and Then à la suite. Encore un peu de temps. Alors on gagne du temps. Voici la dernière chanson, Now and Then, sur RG. jamais mon compteur avant le montage audio est juste, il me reste plus ou moins 2 minutes d'émission. Donc, on est à l'heure, Eric, on est à l'heure. Ça va être à toi de jouer. Ouh là là, et je laisserai ça parce qu'il y a la musique derrière. Ça va être à toi de jouer dans quelques instants, Eric. Tu es prêt? J'espère que tu es prêt. Allez, à bientôt. Merci les enfants. Merci d'avoir écouté cette saga enregistrée. Et je vous souhaite de prolonger avec Eric, qui est certainement derrière moi, impatient de commencer son émission de jeunes de A à Z. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois en direct, j'espère bien. Ou sinon, on ne sait jamais, dans une autre home recording session, comme je m'amuse à dire, celle que j'enregistre chez moi pour le plaisir et pour vous les amis. Parce que j'aime faire cette saga tant que vous êtes là à prendre des podcasts, à commenter sur Facebook et sur Maca Club, parce que c'est pour vous aussi que je fais cette émission, que je partage cette passion. À bientôt, au revoir, ciao.